Shawinigan tient à remercier sa clientèle toujours aussi fidèle en cette fin d'année 2019. Notre équipe prend relâche du 23 décembre au 2 janvier afin de reprendre ses forces pour vous accueillir en cette nouvelle année. Joyeux temps des fêtes avec ceux que vous aimez. On vous attend le 3 janvier prochain. N'oubliez pas de faire le plein de cruchons de bière locale pour vos parties. Brasserie artisanale La Korrigan, 380 Dorchester. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices de l'Aérospatiale magazine sur les arts visuels à Québec. Myriam Leland au micro ce soir et on a aussi Gentiane Lafrance. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Gentiane. De quoi tu nous parles ce soir, Gentiane? Je crois que tu reçois Émilie Lewis. Oui, c'est exact. Émilie Lewis, qui est une joaillière très, très connue dans le milieu des métiers d'art à Québec, puisque d'abord, elle a deux entreprises. Le Studio Méthode, qu'elle a ouvert là, il y a déjà plus de 10 ans, je crois. On va pouvoir avoir plus de précisions tout à l'heure. Et la galerie Lewis, qu'elle a ouvert l'année dernière sur la 3e avenue à Limoilou. Et elle a été lauréate du prix de reconnaissance en métier d'art pour sa carrière et sa contribution lors des prix d'excellence des arts et de la culture de la ville de Québec en novembre. Donc, on va avoir beaucoup de choses à jaser avec cette néo-écossaise d'origine avec un accent tout à fait charmant. Après Émilie, on va recevoir Delphine Gisbard en studio, une habituée de l'aérospatiale. Elle vient nous parler de l'exposition à la Galerie Famille au Musée national des beaux-arts du Québec, puisqu'elle est responsable de la médiation famille au musée, justement. Puis après, tu reçois une autre personne pour une entrevue encore. Oui, on va terminer l'émission avec Amélie Laurence Fortin, qui a eu la bourse du Calque à Berlin. Donc, c'est une résidence d'un an qui va débuter en janvier, qui va se terminer en décembre 2020. Et puis, elle est à Québec pour quelques jours. Donc, on en a profité pour l'attraper au vol pour qu'elle nous donne un peu de précision sur qu'est-ce qui va se passer à Berlin l'année prochaine. Et puis, on est très, très contents parce que c'est la première fois que c'est un artiste de la région de Québec qui obtient cette prestigieuse résidence, c'est la plus longue résidence internationale du Calque qui est offerte aux artistes. Ça promet. Mm-hmm. Pour l'instant, on se laisse pour une pause musicale. Donc, ce soir, Simon Roy nous a gracieusement sélectionné des pistes de l'artiste Three Considered, qui est un groupe de jazz. C'est britannique. Il. J'ai une petite erreur dans mes notes, ça fait comme oui, trois ben, barres. Ben oui, c'est trois. Ça, c'est un I majuscule avec deux L minuscules, on dirait que c'est trois, mais c'est Ill. Ill Considered, je trouvais ça étrange comme nom aussi. Donc en fait, c'est un groupe de jazz britannique composé de quatre musiciens, saxophone et clarinette, à la basse, au drum et aux percussions. Ils improvisent sur des thèmes musicaux avec une grande liberté, des grooves intenses. On est dans la lignée du jazz fusion avec des influences culturelles diverses et métisses. Puis leur 7e album, ce sont des mélodies de Noël qu'ils s'approprient, se réapproprient. Ce sont des mélodies qu'on connaît bien. Donc pour l'instant, on se laisse avec la piste Noël, Noël. Puis au retour, Gentiane, tu reçois Émilie Lewis en studio. C'est exact, à tout à l'heure. Mmh. toujours à l'aérospatiale. Nous avons en studio avec nous Émilie Lewis. Bonsoir. Émilie Lewis, ben d'abord félicitations. Tu as remporté le prix une distinction pour lors de la soirée de remise des prix d'excellence des arts et de la culture de la ville de Québec. Donc une distinction en métier d'art qui reconnaît un peu ta contribution pour le rayonnement de la discipline. Oui. Et puis j'ai l'impression que toi t'es joaillière, oui. Que tu travailles beaucoup à faire connaître la joaillerie québécoise ailleurs qu'au Québec. Oui. Oui, ça c'est vrai, mais ça fait quand même un bout de temps que moi je travaille à Québec, puis moi je diffuse mon propre travail ailleurs aussi. Oui. Je fais de la production, je fais aussi des pièces uniques, je fais comme une ligne mi-gamme aussi qui est dans une trentaine de boutiques, puis des galeries partout au monde, surtout Amérique du Nord, là, mais un peu en Europe et Australie aussi. Hein. Mm-hmm. Et l'année dernière, tu as ouvert ta propre galerie. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à ouvrir la galerie Lewis? Est-ce que c'était pour combler un vide un peu dans le milieu des métiers d'art à Québec? Oui, oui. Il y avait beaucoup de raisons, c'est sûr, dans mon vie personnelle, puis mon carrière à moi, puis aussi que j'ai vu que le métier d'art contemporain est très peu représenté à Québec. Mm-hmm. Il y en a des bonnes galeries à Montréal, mais à Québec, on a le Centre Materia qui fait une super de bon job. Ouais. Mais c'est très spécifique, c'est un centre artistique, puis au niveau des galeries commerciales, il n'y a pas vraiment ici à Québec. Donc donc à ce moment-là tu représentes des artisans, des artisanes en métier d'art? Oui, oui, j'ai une vingtaine des artistes, à peu près 50% québécois, puis j'ai des artistes sur le reste du Canada, un peu des États-Unis, puis un peu de l'international aussi. Donc j'ai fait venir surtout des artistes qui n'ont pas d'autres points de vente ici à Québec, donc des nouveautés. Et la Galerie Lewis, c'est ton petit bébé, c'est ta nouvelle mm-hmm. entreprise, mais tu as déjà une entreprise que tu fais rouler depuis un certain temps. Là. Oui. Le Studio Méthode, ça fait combien de temps que ça existe? Ça existe depuis, j'ai 38 ans, 2011, 2012, mm-hmm. ces années-là, je l'avais commencé avec une autre joaillère, Marie-Hélène Bélanger, puis moi, j'ai pris contrôle juste moi-même en 2013 ou 2014, autour de cet an-là. Et c'est quoi le Studio Méthode? Dans quoi ça constitue comme mission, cet organisme-là? C'est un atelier de joaillerie contemporaine, en gros. Au début, c'était la location des espaces de travail, des workshops, donc des petits workshops dans des techniques alternatives qui ne sont pas enseignées ici à Québec, puis aussi une ligne de production. Là, maintenant, c'est plus la ligne de production, le lieu de travail aussi. Donc, il y a un atelier. Moi, j'ai mon atelier en arrière de la galerie qui a 4 espaces de location pour des autres joyeux aussi. Mm-hmm. Donc, ça devient aussi un lieu d'échange, oui. d'expertise. Oui, oui, vraiment. En plus d'être un studio partagé, il y a aussi, c'est animé. Oui, ouais. Oui, j'ai du monde qui travaille là avec moi, puis oui, oui. Et par rapport à la galerie Lewis, est-ce que tu vois qu'il y a une belle réception du public? Les gens, il y a un bel achalandage, il y a des gens qui viennent beaucoup en boutique? Oui, quand même, de plus en plus. C'est sûr que c'est une petite galerie, c'est très peu connu. Limoilou est vraiment super parce que le monde ici, il supporte des commerces ici. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de monde de Limoilou qui vient me voir, mm-hmm. puis des autres artistes qui viennent aussi. Puis je peux te dire, comme cette année, j'ai ouvert les portes le 15 décembre 2018, puis comme Perry, l'année passée, la saison de Noël, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, ça va bien, oui. Et là, ben, en ce moment, vous avez une exposition spéciale justement pour les fêtes. Oui. Vous avez eu un vernissage le 14 décembre, oui, c'est ça? Le oui, le fin de semaine passée, oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la thématique qui est abordée puis des artistes qui ont été invités à participer? Oui, j'ai fait une appel de soumission. C'est une petite exposition, c'est surtout une installation dans la vitrine. Des pièces qui sont inspirées des boules de Noël. Mais le seul, comme... La seule chose que j'ai demandé, c'est que ça soit quelque chose qui peut être accroché. Donc, j'ai fabriqué des arbres de Noël, puis j'ai fait une installation dans la vitrine, comme dans le thème de Noël, mais c'est vraiment pas des boules de Noël. C'est des objets autre que ça. Beaucoup des bijoux, un peu des céramiques, puis des autres objets plus sculpturels aussi. Mm. Et la vitrine de la galerie Lewis, c'est quand même un lieu d'exposition particulier. Tu fais des appels de dossiers, oui. Tu invites les gens à venir s'y installer. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes interventions qu'il y a eu dans la vitrine au cours de la dernière année? Oui, j'ai commencé... La galerie n'est pas grande, donc pour moi, l'espace... de vitrine, puis juste avant la vitrine, c'est devenu comme un petit espace d'exposition, puis c'est dans ce 3e avenue, donc il y a vraiment une belle visibilité. J'ai eu Olivier Béré-Vidal qui a fait une installation pendant l'été des œuvres sur papier dans la vitrine, puis aussi Émilie Proux qui a fait une installation des œuvres broyées. Puis l'exposition que j'en ai en ce moment, j'en ai aussi une exposition qui vient cet hiver, printemps, qui s'appelle Des paysages intimes, qui est une exposition des joyeux canadiennes en bijoux contemporains, qui est montée par Catherine Grange et Mary-Ève Castonguay. Donc, c'est un projet qui est commissarié? Oui, oui. Donc, eux, ils vont le présenter au Toronto, dans mon galerie. Puis, il y a deux ou trois autres places, entre autres Perry, les parcs aux bijoux. Puis, j'ai fait une collaboration avec un groupe en joaillerie contemporaine de Nouvelle-Écosse qui s'appelle Co-Adorn pour l'expo de Noël 2020 aussi. Donc, c'est vraiment des projets trippants qui viennent un peu à créer aussi des rencontres interdisciplinaires, si on veut. Là. Oui, oui, vraiment. Puis, c'est le fun parce que j'ai étudié au Nouvelle-Écosse, donc j'ai des contacts, j'ai des connexions là-bas, puis... C'est une communauté, surtout en joaillerie, c'est pas beaucoup, beaucoup de monde, mais c'est une communauté qui se connaît, puis on a beaucoup de connexions partout au Canada, donc ça fait qu'on peut faire ces connexions, puis je peux faire venir des artistes de partout aussi. Oui, mais en étant aussi toi-même anglophone, tu es plus apte à briser ces deux solitudes, là, le classique Québec et Rest of Canada. et puis, c'est bien parce qu'on a tout à gagner, mais aussi de collaborer, puis d'en apprendre plus les uns des autres. Autre, là. Oui, oui, oui, ça facilite la communication aussi. Oui, c'est sûr que c'est plus facile. Là. Donc la galerie, elle va rester ouverte. C'est quand que vous prenez une pause pour les fêtes, là. Donc c'est jusqu'à quand qu'on a pour aller voir l'exposition ornementation. Mais je viens juste de les prolonger. Donc avant c'était jusqu'au 6 janvier, mais maintenant je vais les garder ouvertes, je pense jusqu'au fin de mois. Puis je vais être ouverte jusqu'au 23, puis le 24, 25, 26, je suis fermée, puis après ça, je reprends mes heures normales. Je prends une petite pause pour retourner chez nous, au Nouvelle-Écosse, vers le début de janvier. Mais je vais avoir quelques personnes qui vont remplacer quelques journées ici et là aussi. Donc, ça va être une horaire plus... ça va être ouvert la fin de semaine, je pense, pendant ce temps-là. Et quand il y a des expositions comme ça en vitrine, on est plus sur le mode exposition, mais tous les objets qui sont en vitrine sont à vendre aussi. Oui, oui, pour celui-là, oui. Ah, quasiment tout. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas, mais le parfois, c'est plus des projets in situ, par exemple, avec Olivier Bérard-Vidal, j'imagine. C'était... Il y avait quelques œuvres, il y avait des dessins à l'intérieur, puis quelques œuvres en céramique, mais l'installation dans la fenêtre n'était pas à vendre. Mm-hmm. Donc, moi, j'aime ça être capable de présenter des choses qui ne sont pas nécessairement commerciales, qui sont les deux. Oui, c'est ça, d'avoir aussi une rencontre avec l'expérimental, puis le commercial. Exact. Et puis, donc on est vraiment dans les métiers d'art contemporain, mais j'ai lu aussi sur la galerie Lewis qu'on parle de sculpture à petite échelle. Oui, j'en ai des sculptures aussi, j'en ai des petites sculptures, mais pour moi, métier d'art, comme c'est vaste, c'est assez flou comme idée, puis il y a beaucoup de monde qui travaille dans les métiers d'art ou dans les arts visuels qui peuvent fêter dans les deux cadres, donc je suis pas très constrainte. Donc, moi, j'accepte la galerie, c'est vraiment selon qu'est-ce qui fait avec le reste, puis qu'est-ce qui est à mon goût aussi. Merci beaucoup, Émilie Lewis, d'être venue nous rencontrer en studio. Et on va visiter la galerie Lewis pour aller voir toutes ces belles créations en vitrine avec l'installation ornementation pour le temps des fêtes et peut-être pour le magasinage de dernière minute pour trouver des beaux cadeaux. Oui, je vais tout faire jusqu'au dernière minute, lundi à 5h. Oui. Nous, on va prendre une pause musicale toujours avec le groupe Ill Considered et ça va être Let It Snow et je vous mets au défi de la reconnaître. Mmh. Re-bienvenue à l'aérospatiale, chers auditeurs et auditrices, sur les ondes de CKRL 89.1. Avec nous en studio, on a Delphine Eguesbar. Bonsoir. Bonsoir, Myriam. On est content de te revoir en studio. Mais moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Une habituée chroniqueuse de l'émission, mais tu as aussi un mandat au Musée national des beaux-arts du Québec comme responsable de la médiation famille, c'est bien ça? Oui, exact. Puis dans le cadre de ce mandat-là, la galerie famille est sous ma responsabilité. Et on vient tout juste d'ouvrir une toute nouvelle exposition là, cette semaine. En fait, je devrais dire la semaine dernière, oui, le temps passe ça. Vite. Oui, vraiment. C'est l'exposition Ensemble. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on te reçoit ce soir. Donc, c'est quoi l'exposition Ensemble? Parce que les expositions de la Galerie Famille ont quelque chose de particulier. C'est toujours interactif. Le nom le dit un peu, là, c'est d'interagir justement avec la clientèle familiale du musée. Il y a toujours différents aspects à ces expositions. Là, la dernière qu'il y avait eu, c'était Murmure. Oui, c'est oui, ça. Oui, on faisait une incursion dans l'univers de l'architecture. C'est ça. La Galerie Famille est toujours réfléchie pour s'adresser à notre jeune public, mais aussi dans un contexte où justement la famille partage un moment de découverte. Justement, en plongeant parfois dans l'univers d'un artiste, mais ici, on a plutôt élaboré la Galerie Famille à partir du thème de l'objet, de okay. l'objet usuel, l'objet banal, l'objet du quotidien. Et on a inclus 5 œuvres de la collection Près d'œuvres d'art à l'intérieur de la galerie qui nous ont inspirées, en fait, qui ont vraiment donné une impulsion là, à comment on a réfléchi ensuite différentes stations ludiques, des stations d'exploration, des stations plus poétiques aussi. Donc, cet univers-là, c'est vraiment élaboré autour de ces cinq œuvres. Puis comment vous est venue cette idée-là, justement, de se concentrer sur l'objet? Ben en fait, moi je trouve que c'est vraiment fascinant les objets. Les objets, ça peut être porteur de souvenirs, ça peut être envisagé plus strictement d'une manière formelle pour la couleur, la forme des objets. Ça peut aussi être plutôt symbolique. Ça peut avoir un potentiel d'évocation qui est très très fort à mon sens. Donc je trouve que c'était un thème qui était très fécond en fait, puis particulièrement intéressant aussi dans la mesure où les objets, en fait, on les côtoie tous les jours. C'est quelque chose qui nous entoure, puis d'aborder ce sujet-là dans le contexte de la Galerie Famille, c'est permettre peut-être de redécouvrir les objets du quotidien sous une multitude de formes, en fait, puis de voir tout le potentiel que les objets ont, puis à quel point, en fait, c'est un matériau qui a été utilisé abondamment par les artistes aussi. Ouais, ben oui, la Galerie Famille, justement, on parlait de Murmures tantôt, il y avait d'entrée de jeu aussi, qui sont toutes des expositions qui étaient très axées sur le toucher, l'interaction, mais sans nécessairement porter attention à l'objet comme tel, justement. Je crois que c'est ce que vous faites un peu avec l'exposition Ensemble. Oui, exactement. Donc, chacune des œuvres qui a été sélectionnée utilise ou a recours à des objets dans sa confection, mais d'une diversité de manières, vraiment. Je pense, entre autres, à Lucio de Heusch, qui utilise un cabinet dans lequel il vient classer des petites pièces de bois qu'il va ensuite identifier avec des noms de couleurs. Mais parfois, les noms de couleurs sont pas correspondent pas nécessairement à la couleur des pièces de bois qu'on retrouve dans chacune des petites sections de ce cabinet-là. Puis pour moi, Lucio de Heusch, il utilise ce cabinet-là un peu comme une toile, en fait, comme un peintre viendrait organiser des taches de couleurs dans ce volume-là, dans ce petit cabinet-là, mais en fait, c'est aussi un peintre, puis il vient vraiment l'envisager d'une manière particulière, un peu justement comme si c'était un tableau, alors qu'on a une œuvre de Nathalie Roy, où elle a teint à la main des centaines et des centaines de jupons. Okay. Qu'elle a ensuite enroulé pour venir créer un très, très grand jardin de roses. Wow. Puis c'est super intimiste, finalement, cette œuvre-là. C'est tout ce que ça évoque, en fait, le jupon comme vêtement plus traditionnellement féminin. Mm-hmm. Ça, justement, exactement, comment ça évoque justement l'espace intime, puis tout à coup, ça devient un jardin. Mm-hmm. Donc, c'est des œuvres comme ça qu'on retrouve dans la galerie, puis qui nous ont donné l'idée de donner justement l'opportunité aux enfants de peut-être se prêter au jeu, d'explorer certains aspects de la création des qui ont mené à la réalisation de ces œuvres-là. Par exemple, on a une panoplie d'objets qui sont tous classés par couleur dans des bacs. OK. Qui sont évidemment parfois plus mélangés, parfois vraiment plus regroupés comme une palette de couleurs. Mais ensuite, ces objets-là peuvent servir à être installés dans une très grande simèse qui est percée avec plusieurs niches, où on peut venir utiliser ces objets-là pour créer une scénette un peu surréaliste. On peut venir créer comme une collection des ensembles d'objets, vraiment les imaginer comme un ensemble, les travailler finalement un peu comme un coloriste. On pourrait venir créer, organiser justement tous ces objets-là dans ces petits espaces-là. Et c'est entre autres inspiré par une œuvre de Annie Galaise. Cet espace-là d'exploration. Anne Galès qui présente 6 petites boîtes où on retrouve plein de petits objets. Au départ, on les reconnaît pas tout à fait, mais plus on s'y attend, plus qu'on les reconnaît, ces petits objets-là anciens en bois qui sont un peu organisés aussi par couleur. Donc, c'est des exemples comme ça là, de ce qu'on retrouve en ce moment dans la galerie famille. C'est vraiment un concept d'exposition qui pousse les enfants, les familles d'explorer leur côté créatif aussi, de voir un peu comment, t'en parles, comment on peut construire une œuvre, mais aussi comment on peut construire une exposition, le choix des objets, un peu à la manière dont vous l'avez fait en choisissant, en sélectionnant les objets qui sont puis les œuvres aussi. C'est très intéressant de voir comment les enfants, les familles sont invités à recréer ce processus-là. Puis il y a quelque chose de particulier aussi de cette exposition-là. Je crois que les objets sont tous réutilisés, recyclés. Oui, ça, c'était... cet aspect-là, éco-responsable, il était porté tout particulièrement là, par Marie-Renée Bourget-Harvey, qui a beaucoup contribué à la mise en place de cette exposition-là, très finement. Puis, effectivement, tous les objets qui se trouvent dans la Galerie Famille en sont au moins à leur deuxième, si c'est pas à leur troisième vie. Et puis, notre objectif, c'est que ça se poursuive après la fin de l'exposition, donc que ces objets-là retrouvent tous de nouveaux propriétaires puis un nouvel usage. C'est aussi vraiment un concept intéressant. On continue de parler de cette exposition-là après la pause publicitaire dans quelques instants. CKRL. Dans le numéro d'automne de Nuit Blanche, le livre jamais lu du poète Michel Plot. Assis sur ma galerie du quartier Saint-Jean-Baptiste, j'ai une superbe vue sur les Laurentides. Montagne, je vous écoute. La poète Ilnou Marie-André Gill et Je suis une maudite sauvagesse. Vivre ce paradoxe m'est souvent insupportable, mais je continue quand même pour la seule raison que je suis née dans ce monde. À découvrir, entre autres, une entrevue avec Caroline Georges, Notre-Dame littéraire, Parole vivante. Abonnez-vous, nuitblanche.com. Prendre un métro vide, ça commence toujours bien la journée. Et faire le vide, ça fait tout le temps plaisir. Mais avoir le ventre vide, ça, c'est moins drôle. Chaque année, la moitié des comptoirs d'aide alimentaire manque de denrées. Textez « remplir » au 20222 pour faire un don de 10$ à la Guignolée des médias ou directement chez Provigo, Maxi, Jean Coutu et Via Capital. Vous vivez de l'intimidation au travail? Dénoncer, c'est une décision difficile à prendre. Ici Mélanie Fleurant, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Mes services de consultation ont pour but de vous aider à y voir plus clair à chaque étape de votre démarche. Soit l'analyse et le montage de votre dossier, les recherches en lien avec votre situation et l'accompagnement en médiation. Pour en savoir davantage, visitez intimidationtravail.com. La première consultation est gratuite. La tournée de la veillée des fêtes de karaté est de retour. Invitez les jeux. 7 décembre, Saint-Jean-de-Port-Joli. 12 décembre, Almour. 13 décembre, les Escoumins. 14 décembre, Jonquière. 20 décembre, Frérichburg. 21 décembre, Terrebonne. 27 décembre, Québec. 28 décembre, Masquinongé. 30 décembre, Saint-Casimir. Les deux albums de karaté sont disponibles maintenant en magasin et en ligne. Découvre ou perfectionne tes talents artistiques et laisse aller ta créativité. Située au cœur du quartier Saint-Roch, la Maison des métiers d'art de Québec offre des cours animés par des artistes professionnels. Céramique, sculpture, textile, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Pour un cadeau original, offre le plaisir de la création. Inscris tes amis et ta famille. Les inscriptions pour la session hiver 2020 sont maintenant possibles. Visite-nous au mmaq.com. Vous devez penser à tout, tout le temps et pour tout le monde, autant à la maison qu'au travail. Vous vivez ce qu'on appelle la charge mentale. Ici Julie Bastide, coach conférencière, pour amener les femmes à concilier la performance avec la zénitude. Je vous invite à la journée Maître de ma vie, le 22 février, au Centre des congrès de Lévis. L'objectif? Vous réapproprier votre cerveau au quotidien. Participez comme plus d'une centaine de femmes et réservez votre place sur zenperformance.ca. Bienvenue à l'Aérospatiale, magazine sur les arts visuels à Québec, toujours sur les ondes de CKRL 89.1, puis toujours avec Delphine Eguesbar en studio. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce soir. Ben oui, on voit les étoiles dans tes yeux quand tu parles de l'exposition Ensemble à la Galerie Famille du Musée national des beaux-arts du Québec. On parlait juste avant la pause du fait que l'exposition est éco-responsable, donc que les objets sont réutilisés, en sont déjà à leur deuxième, troisième vie. Puis qu'après l'exposition, la volonté, c'est que ça continue. Donc, ces objets-là, est-ce qu'ils vont être donnés au public? Bien, certainement que les prochains mois vont être dédiés à trouver la meilleure stratégie. OK. Pour trouver de nouveaux propriétaires à ces objets-là. C'est sûr que la pensée éco-responsable, elle va même au-delà, tu sais, de ces objets-là à qui on donne une deuxième vie. Et c'était vraiment l'idée aussi de valoriser plein de matériaux ou d'équipements qu'on avait aussi à l'interne déjà au musée. Ça va aussi dans le choix de type de peinture ou de produits aussi qu'on utilise, mm-hmm. qu'on essaie de faire le choix toujours le plus consciencieux aussi dans le choix de produits qui sont non toxiques, mais je pense que c'est dans l'air du temps. Je pense qu'on peut encore même s'améliorer beaucoup à cet égard-là, mais je trouve que c'était une très belle intention qui était portée par Marie-Renée Bourgervais dans le cadre de ce projet-là. Et, oui. et elle, je pense qu'elle intègre même cette manière-là de travailler dans oui. nombre de ses projets. Alors, c'était super oui. de l'avoir déjà, dans l'équipe. L'idée derrière l'exposition de revaloriser l'objet quotidien qu'on a tendance à oublier, ça lance sur cette piste de réflexion-là de surconsommation, d'avoir des objets qu'on ne voit plus tellement qu'on en achète d'autres. Je trouve que ça c'est vraiment en phase avec cette idée-là éco-responsable. Tu parles de Marie-Renée Bourget-Harvey. Je me demande, en fait, parce que Marie-Renée, elle, était scénographe pour l'exposition. Graphiste également. Mais elle a beaucoup contribué ouais. au développement de l'idée. Donc, ça a été un projet un peu développé, un projet maison, ouais. on pourrait dire. C'était ça ma question, Qu'est-ce que ça implique de faire ça? Ben en fait, c'est qu'on était une équipe très large, en fait, pour développer ce projet-là, dans l'idéation, dans la conception, dans le développement de la scénographie, des espaces d'exploration, des espaces ludiques aussi. Donc, il y avait Marie-Renée Bourget-Harvey qui collaborait avec nous, Marie-Hélène Audet aussi qui travaille à la médiation du musée avec moi, qui a collaboré très étroitement au projet. Mais aussi, tout à l'heure, on a parlé de la collection Près d'œuvres d'art, oui. Dont Maude Lévesque est conservatrice. Donc, c'est certain oui. qu'elle aussi a été impliquée dans le fait de sélectionner ou de faire une présélection d'œuvres, de partager aussi sa perspective là, sur la sélection. Mm-hmm. D'œuvres qui se retrouveraient dans l'exposition. Oui. Je sais que Maude a un background en art visuel, puis toi aussi, Delphine. Puis oui. je trouve que ça paraît tellement dans la manière d'élaborer, justement, l'exposition, juste avec les termes que tu utilises pour parler des œuvres, mais aussi de l'utilisation des objets. Comment une exposition comme ça, qui est bâtie plus avec un aspect beaux-arts, un aspect art visuel, comment est-ce que c'est reçu par le public? Ça fait maintenant une semaine, oui, que c'est ouvert. Est-ce oui. que vous avez une belle réception? Oui, je pourrais pas demander mieux, honnêtement. Samedi, on avait un événement famille pour souligner oui. l'ouverture de la galerie. Puis j'ai eu l'occasion de croiser de très nombreuses familles qui semblaient vraiment enchantées. Puis en fait, je pense que ce qui est assez intéressant, intéressant dans cette proposition-là, c'est que c'est un espace qui est très ouvert, où les propositions aussi sont très ouvertes, donc les ateliers sont pas très dirigés, ça fonctionne bien dans le contexte de cette galerie-là. Mais il y a aussi beaucoup d'espaces très variés aussi. Il y en a des plus calmes, il y a des espaces qui sont justement un peu plus intimiste dans l'espace de la galerie où on peut lire dans un coin lecture. Il y a des espaces justement plus lumineux, des espaces de jeux de société vraiment aussi. Fait que je pense que ça peut plaire aussi à des enfants d'âge très variés, puis à des membres d'une famille qui ont des âges aussi très variés. La famille, c'est pas juste des jeunes enfants, c'est aussi des parents, oui, c'est des grands-parents, c'est des groupes d'amis, c'est vraiment c'est un contexte, là, je pense, qui est favorable à la rencontre aussi, la Galerie Famille. Puis c'est un peu un clin d'œil à ça aussi qu'on fait avec le titre de l'exposition Ensemble. C'est polysémique, là, au sens où Ensemble, on l'écrit avec un S entre crochets. Donc, on fait écho à l'idée de la collection, des groupes qu'on peut venir créer, de ces regroupements-là, de ces assemblages-là qu'on peut créer dans la salle, mais aussi à l'idée que c'est un moment à passer ensemble aussi. C'est ça. Puis c'est un jeu visuel aussi, parce que les crochets, ça peut venir créer l'effet d'une boîte. Ça rappelle cette idée-là du classement ou de l'organisation, oui, qui fascine certains. Dans le mur, oui, dont tu parlais. Ça. Fait que c'est, je pense que graphiquement, mais aussi dans la pluralité de sens que ça pouvait prendre ensemble, c'est un titre qui nous est apparu comme étant très, très fertile de sens. Oui, ben c'est un titre qui est assez... Au final, quand on t'entend parler de l'exposition, c'est un titre qui semble assez évident pour la situation. Je verrais pas d'autre titre que ça. Puis tu parles justement des familles qui peuvent interagir ensemble. Ce qu'on a oublié de mentionner, parce que ça semble tellement évident, la Galerie Famille, c'est la seule exposition qui est gratuite au musée. Absolument. Qui est ouverte en tout temps sur les heures d'ouverture du musée. Exact. Et qui est gratuite. Donc, il y a beaucoup de familles qui y vont et y retournent encore et encore. Puis c'est une exposition qui est pas permanente, mais qui dure une année. Je pense une que année, c'est jusqu'en exact. Novembre 2020, c'est oui. ça. Donc, avec ce que tu décris, les familles peuvent vraiment interagir de manière différente dans l'espace sans vraiment cette année, même Mais en je retournant. Pense que, je pense que c'est un rendez-vous qui se renouvelle là, vraiment fréquemment. Puis je pense qu'on a pu voir depuis 2016, depuis qu'elle existe, la Galerie Famille, qu'il y a un attachement très fort qui s'est développé. Puis que c'est un rendez-vous, justement, qui se présente souvent, puis qui se renouvelle, justement, sur une année. C'est assez intéressant, justement, de voir que les parents peuvent participer à ça avec les enfants, au lieu de juste les dropper en bon français, les laisser dans la galerie famille puis les regarder jouer. De ce que tu décris, il y a vraiment différentes phases à cette exposition-là, puis il y a plein de choses à explorer, justement. Oui, moi, je pense que ça peut vraiment être un moment de partage ou un moment où chacun trouve son compte dans différents coins, en fait, dans différentes zones... dans la galerie. Oui. Ben Delphine Eguesbar, responsable médiation famille au Musée national des beaux-arts du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Super intéressant. Ça donne envie d'y aller. Si on n'a pas d'enfant, est-ce qu'on peut aller lire? Absolument. Aussi? Tout le monde est admis. Génial. Ben merci encore d'avoir été là. Pour l'instant, on se laisse avec une autre pause audio. C'est toujours Ill Considered, puis c'est la piste We Three Kings of Orient Are. Thank you. De retour à l'aérospatiale, Jean-Tienne La France avec vous et devant moi Amélie Laurence Fortin. Bonsoir. Salut. Amélie Laurence Fortin, tu reviens, tu repars des Europes. Des Europes. Et donc tu reviens de quelques mois en Europe et là tu vas repartir en janvier pour t'installer à la Kunstlerhaus Bethanien. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, la Kunstlerhaus Bethanien? Ben c'est plusieurs choses là. C'est vraiment une entité importante à Berlin parce que ça fait très longtemps qu'elle existe, donc on pourrait considérer que c'est une institution. Donc il y a à la fois d'immenses galeries à divers étages. C'est un complexe, en fait. Est-ce que ça peut être comparé à Méduse, par exemple? Non, pas tout à fait, parce que c'est un seul bloc dans lequel il y a plusieurs services offerts. Donc, il y a à la fois des résidences internationales, pour lesquelles moi, je vais participer. Il y a une grosse galerie au rez-de-chaussée, mais aussi à un étage supérieur. Il y a des centres de production. C'est un lieu de vie, en fait. Mm-hmm. C'est un lieu de vie. Donc, toi, tu vas t'y installer pour un an, parce que tu es récipiendaire de cette résidence offerte par le calque à la Kunstlerhaus Bethanien. Et j'ai l'impression que tu es déjà allé faire une couple de petits tours à Berlin pour préparer un peu ton arrivée. Qu'est-ce qui a changé depuis le moment où tu es parti en Europe cette année et puis ce moment-ci où là, tu t'apprêtes à vraiment embarquer dans cette résidence-là? Ben en fait, quand je suis partie, j'allais aussi décompresser un peu de la vie qui va vite quand on travaille, oui. qu'on fait de l'art en même temps, oui. pour ensuite réellement me pencher sur le projet que j'ai lancé à la Kunsthaus et puis aussi au calque. Le projet que je leur ai lancé était vraiment énormément monumental, comme d'habitude. Donc, j'ai lancé quelque chose de très gros que je ne connaissais pas vraiment tous les aspects. Donc, j'avais besoin de trouver des partenaires, divers partenaires dans différentes sections, puis de connaître aussi la limitation que j'avais là-bas de travailler sur ce projet-là. Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était pas possible? Puis évaluer les coûts, en fait. Donc, j'ai fait plusieurs rencontres, à la fois à Berlin, mais aussi à Varsovie, pour trouver les partenaires idéaux. Puis, entre autres, je vais travailler je le pense en polonais, c'est un peu bizarre en ce moment. Donc, ça parcourt plusieurs langues. Je vais travailler avec l'Université de Varsovie, avec la faculté de physique optique, mm-hmm. qui ont développé un matériel qui est un plastique à mémoire de forme. Ça existe partout sur la planète en ce moment. Le MIT en fait, l'Université de Singapour en fait, en Lausanne, on en trouve aussi. L'Université de Varsovie en fait un particulier, puis la chance a été pour moi quand j'étais là cet automne parce que le professeur titulaire est très, très amoureux des arts. Donc, il y avait un peu envie qu'on partage ça ensemble. Donc, on a commencé un long dialogue là, dans les trois derniers mois. Et qu'est-ce qu'il y a de si particulier à ce plastique à mémoire de forme-là à Varsovie, Amélie Laurence Fortin? Ben je connais pas bien les autres parce que ce sont des recherches expérimentales, ouais. qui sont pas du tout commercialisés, donc ils n'ont pas passé le cap de l'industrie, donc tout le monde en fait un peu indifférent, puis le leur ressemble beaucoup plus à une plante. Donc, les plastiques à mémoire de forme, ils ont soit, il y a comme deux penchants là, actuellement, pour ce que j'en connais, on s'entend, soit qui réagissent à la chaleur ou réagissent à la lumière. Mm-hmm. Donc, parfois, chaleur et lumière, c'est la même chose, mais des fois, c'est juste l'entité de la photosynthèse qui est intéressante. Mais dans ce cas-ci, c'est la chaleur. Donc, à la chaleur, ce plastique-là va se développer ou se redévelopper. Donc, dans le cas présent, si on peut penser à une chenille, par exemple, une espèce de languette que quand on met de la chaleur dessus, elle va commencer à avoir une forme de chenille qui se déploie, elle va se déplacer, elle va bouger. Mm-hmm. Puis quand la lumière s'arrête, elle revient à sa forme initiale de languette basse. Mm-hmm. Donc, disons que dans les trois derniers mois, ben oui, c'était super impressionnant ce matériel-là, mais qu'est-ce que tu fais avec sans que ça a l'air juste d'un truc de science, là? Oui, c'est ça. C'était un peu ça, mais c'est là-dessus que je me suis penchée pour pouvoir travailler à partir de janvier sans me poser, disons, cette question-là préliminaire qui m'a quand même pris 3 mois à résoudre. Et je vais te partir avec le titre de ta résidence, Gravité et autres conversations. Ouais. Donc, Gravité, évidemment, ça évoque l'univers spatial, qui est très, très présent quand même dans ta pratique. Ouais. Et puis ça ouvre vers autre chose, des conversations, vers quoi ça ouvre? Ben au début, je l'ai appelé Gravité. Il faut savoir que j'ai écrit le projet au mois d'avril. Entre-temps, c'est passé beaucoup de choses. Ben oui, donc, c'est au ça. Moment que j'ai écrit le projet, j'étais encore énormément dans l'idée du cosmos. Donc, mm-hmm. Ce grand cosmos et les trous noirs, les explosions magnifiques, puis aussi tout ce qui se passe, ce qu'on apprend tout le temps. Est-ce qu'il y a une expansion ou pas une expansion, etc.? C'est quoi les fréquences, la gravité qui se déplace, en fait? Puis, j'étais vraiment intéressée par ça pendant 2 ans, on va dire. Ouais. Puis quand je suis arrivée à Berlin, ben ça l'a tombé. Okay. Là, ben, c'est pas que ça l'a tombé, mais au lieu de m'intéresser à ces formes-là que moi j'ai associées puis que j'ai interprétées dans ma pratique de l'espèce de roche noire avec les fonds blancs, puis mm-hmm. ces extrêmes, en fait, dans les couleurs, les formes, on dirait que l'idée de la planète Mars est devenue plus importante pour moi. Donc, des couleurs, des orangés sont apparues. Ouais. Puis avec ces couleurs-là, est arrivé aussi une autre investigation, là, je sais pas si c'est un mot français que oui, j'interprète, oui, oui. Ouais. Une enquête sur ma propre perception de la science-fiction. OK. Donc Gravité, c'était le point de départ pour travailler, parce que j'avais exploré beaucoup la gravité, le mouvement aussi, puis l'art cinétique, puis aussi le temps. Qui est plus lent ou plus rapide, les formes très grandes, les formes très petites, l'impact qu'on a entre les deux. Mais là, en ce moment, je m'enligne un petit peu différemment que ça. C'est pas que je parlerai pas de gravité, mais ça sera pas littéral. Ouais. Donc, c'est une longue histoire pour faire court, là. Ça sera pas si littéral que ça, mais où je vais rester vraiment connectée au cosmos, c'est avec une conversation que je vais avoir avec une scientifique en résidence en Allemagne qui s'appelle Gabrielle Simard, qui, elle, a fait tout son parcours scolaire jusqu'au doctorat en astrophysique. Puis, elle aussi, très intéressée par les arts, a commencé à être en conversation avec moi, ça fait 6 mois maintenant. Ouais. Puis on s'est vu quelques fois à Berlin aussi. Puis là, on va continuer la conversation d'une façon plus sérieuse. Comment que ça va se terminer, cette affaire-là? J'en ai aucune idée. Mais avec elle, le projet que je vais faire avec elle à Berlin est non déterminé. Mais il y a un autre projet qui, lui, est très, très, très, très, très, très, très, très clair. Mais pas celui avec Gabrielle. Donc, le projet qui est très clair, c'est lequel? C'est celui que j'ai pas le droit de dire! Ah, OK! Mais je peux en parler un peu, mais c'est parce que je suis encore en train de le dessiner avec plusieurs partenaires, parce que le calque, ça s'appelle le studio du calque à Berlin, m'offre la résidence, puis aussi bon un cachet pour produire, puis mon projet était devenu tellement ambitieux que j'ai eu la chance d'avoir un second partenaire. Okay. Puis le second partenaire qui s'appelle Verktank, qui est en Belgique. Oui. Et puis qui va participer à la création de ce projet-là. Donc pour l'instant, je suis comme encore en train de le dessiner avec eux, puis de le dessiner avec d'autres partenaires également, donc pour que vraiment que tout le projet prenne de l'expansion. Mais je vais travailler avec le plastique à mémoire de forme, c'est mm-hmm. certain. Je vais élaborer une pièce culturelle qui est vraiment dans la science-fiction. Donc voilà, c'est tout ce que okay. je peux dire. Donc il y a quelques indices pour un projet secret, Amélie Laurence Fortin. Et pour finir, on a parlé, tu l'as évoqué un petit peu dans tout ce dont tu m'as parlé, cette espèce de transition, on dirait, dans ta pratique d'un univers en noir et blanc oui. à un univers aux mille couleurs. Aux mille couleurs. Comment tu t'expliques ça? Ben, je l'explique pas. Non, parce que là tu parlais de Mars, ok. Ouais. Il y a eu Mars, mais ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments comme ça qui sont venus comme te faire avoir envie de couleur? Ben, on va dire que le processus est un peu étrange, ces affaires-là. On comprend jamais vraiment pourquoi ces trucs-là arrivent, mais on a des habitudes quand on fait de l'art. Puis j'avais l'habitude de travailler en noir et blanc tout le temps. Puis là, quand j'essayais de refaire ça fonctionnait pas. Puis là, quand je suis allée dans des magasins de costumes, puis là, je voyais des perruques roses et des perruques rouges. Puis là, je suis comme, yum, yum, yum, yum, yum. Puis là, oh, les tissus comme ça, roses et rouges, non, c'est jaune, non, c'est super. Puis, ben, je suis allée directement dans ce qui me donnait le plus envie, finalement. Ben, merci beaucoup pour ces éclaircissements, yum, yum, yum, Amélie-Laurence Fortin. Et puis, ben, on te souhaite une très bonne, ben, félicitations d'abord pour ta résidence du Calque à Berlin. Je pense que c'est la première fois que c'est un artiste de la région de Québec. Oui. Qui obtient cette résidence-là, qui est la plus importante là, dans les résidences du Calque. Ben, c'est la plus longue. C'est la plus longue. Ouais. C'est celle qui dure le plus longtemps aussi. Puis, en tout cas, si vous êtes intéressé à voir la transformation dans la couleur, ben, je vais faire une exposition dans la ville de Québec au mois de février qui va commencer le 27 février à la Galerie de l'Université Laval, où on va voir le début de cette nouvelle histoire avec la couleur. Parfait. Donc, on se donne un autre rendez-vous pour la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Merci beaucoup, Amélie-Laurence Fortin. Ça fait plaisir. Le temps de l'agenda de la semaine, le dernier de l'année, parce que les fêtes s'en viennent. Ben oui. Et puis pour les fêtes, ben c'est des sélections musicales de Simon Roy. Merci beaucoup Simon de faire l'aérospatiale pour Noël et le jour de l'an. Donc pour ceux qui seraient intéressés, il va y avoir une sélection des sélections de Simon Roy. Donc les différents ponts qu'on entend avec une belle diversité, toujours un bon goût musical à la radio. À l'émission. D'ailleurs, la pièce qu'on entendait juste avant qu'on remercie Simon, c'était Silent Night du groupe encore Ill Considered qu'on a écouté toute la soirée. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde des arts visuels cette semaine, Myriam Leland? Ben, cette semaine, c'est une semaine avant les fêtes, donc les artistes aussi ont une vie, une famille. Donc, on n'a qu'un seul événement. Vendredi, c'est l'inauguration d'une murale de l'artiste Gabriel Bélanger. C'est l'œuvre Revivre en éclat, c'est Gabriel Bélanger qui s'est inspiré de ses rencontres avec les personnes en situation d'itinérance qu'elle a rencontrées à la maison Revivre. Donc, l'inauguration se déroule ce vendredi de 16 à 19 heures et l'artiste va prendre la parole à 17 heures. Super. Et puis, il y a quelques expositions aussi qui se terminent cette semaine, là. Cette semaine et pendant les fêtes, justement. Donc, le 18 décembre, aujourd'hui. Vite, allez-y. La bibliothèque Claire Martin est ouverte jusqu'à 20h, probablement, si ouais. je me rappelle bien. Donc, c'est l'exposition « Dis-moi un secret » de Nadia Morin oui, qu'on avait reçue. Exactement. Oui. Ensuite, à la Galerie 3, on a « At First I Thought It Was a Mannequin » de Daniel Barrow et « Châtiment » de Laurent Krast qui se termine ce jeudi, demain, 19 décembre. On a « Les mouvements nécessaires » de Gabriel Bélanger à Engram jusqu'à vendredi 20 décembre. Il y a également « Multiface » de Gloire Munoko, que j'avais aussi reçue, qui expose à la salle d'exposition du pavillon Alphonse Desjardins de l'Université Laval et... jusqu'au vendredi 20 décembre. Et c'est jusqu'à samedi, le 21 décembre, que vous pouvez prendre rendez-vous avec la Galleria pour visiter l'exposition Sous le soleil, qui se termine de Julie Picard, qui t'avait abordé ici à l'émission. Et on a également jusqu'au 31 décembre pour voir le projet Coexistent de Herman Colgan, qui est présenté au Grand Théâtre. C'est un nouveau diffuseur en art visuel, en art médiatique à Québec, sous le commissariat d'Ariane Plante, qu'on va avoir en entrevue en janvier pour parler un peu de ce nouveau projet. C'est tellement le fun d'avoir un milieu dynamique. Il y a également le projet Patinoire d'Yvan Binet, qui est présenté au Carré d'Ouville jusqu'au 5 janvier. Et COSIC! Oui, qui se termine aussi le 5 janvier au Musée national des beaux-arts du Québec. Mais on termine cette année de l'aérospatiale en remerciant bien évidemment nos invités de la semaine, Émilie Lewis, Delphine Guesbar, Émilie-Laurence Fertin. J'aimerais également remercier toutes les chroniqueuses, les chroniqueurs de la saison, Delphine Guesbar encore, Jean-Michel René, Marie-Claude Drelet, Claire Dumoulin, Myriam Dufour. Myriam Leland, merci beaucoup d'embarquer dans cette aventure de co-animation comme ça à pied levé. Et merci également à notre toute nouvelle Cassandra Graham. Merci à Simon Roy, évidemment, pour ton engagement indéfectible pour la musique de l'aérospatiale. Et on remercie notre cher Jacques Gignac, qui est à la maison avec un gros rhume. CKRL. Communication. Culture. Et vous, de votre côté... Tu as remercié le gros rhume, Jean? J'ai bien entendu. Tu me fais décrocher, là. Rhume. Merci. Mais, merci de me faire décrocher, Pierre Blais. Alors, de quoi on parle, la situation critique, ce soir? Ben, premièrement, on est un peu... L'émission, ce soir, est un peu à l'image de The Irishman, de Scorsese. C'est juste des gars. Je pensais que ça allait dire c'était vrai, c'est un citron, c'est pourri. Tu te souviens de ce que j'en pense? Non, mais je le dis avec le sourire. On parlera aujourd'hui d'un film presque entièrement féminin. Ah. Les premiers rôles sont tenus par Margot Robbie, Charlize Theron et Nicole Kidman. Et les trois sont exceptionnels dans un film qui sort vendredi. Ça s'appelle Bombshell ou en français Scandale. Et on revient sur le harcèlement sexuel à Fox News. On reste ici. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Bon, silence. Ready when you are. En décembre, voyez au Clap Loretteville et celui de Place Sainte-Foy, Playmobil, le film, dès le 6 décembre. Jumanji, le prochain niveau, dès le 13. Star Wars, Ascension de Skywalker, dès le 20. Et Espace Incognito, dès le 25 décembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca. Aujourd'hui, à situation...